109e leçon. Le premier jour, j'ai tout vu. À 9h pile, le lundi matin, Jean-Michel se présente à l'accueil de Tout Vu. Bonjour, je suis le nouveau responsable de projet. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 402. Bonjour, Monsieur Fauconnier. Comment allez-vous ? Bonjour Jean-Michel, tu peux me dire tu sais, tout le monde se tutoie ici. Jean-Michel est très étonné, mais il joue le jeu. Bon, si vous voulez, je veux dire, si tu veux. Bien, alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tout Vu, nous avons des bureaux paysagers, ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local. Il y a une imprimante pour 10 ordinateurs. Au premier et deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Dominique Lestel, qui est ingénieur de projet. Dominique, voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe. Enchanté de te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir. Comment faire le café, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel est installé devant son ordinateur. Il est très impressionné par le haut niveau de technicité de la société. Le siège de Tout Vu est un bâtiment intelligent, doté des derniers outils de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion des télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure. J'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez de plus en plus tard au bureau. Avez-vous quelque chose à dire ? Je l'avoue, monsieur le directeur, mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. Exercice. Enchanté de te connaître. Moi aussi. Merci pour votre accueil très chaleureux. On peut se tutoyer, tu sais. Si tu veux. Vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. Je suis sûr que tu seras à la hauteur.